1, 2, tout le monde m'entend ? Oh ! Tiens, je vais me mettre au platine aujourd'hui. Voilà, le numéro il est là, le numéro appelé. Ça c'est pas mal comme ça. Tout le monde voit le numéro ? Salut tout le monde ! J'ai le rhume des foins. Allez, j'ai le rhume des foins. Je sais pas si vous l'avez. Bonjour, bienvenue avec le soleil. Ah ouais, je suis enrhumé là depuis ce matin. Ça y est, ça vient là. Salut tout le monde. Bon, je vais vous faire un petit mix ce matin. Petite heure de mix, allez. Un coup, je fais de la radio, quand je fais du mix. Je fais un mélange en fait. Je fais un mélange. Oh là, salut Maggie, ça va la forme? Ouais, j'ai le rhume des foins là ce matin là, le pollen là. Ça revient tous les ans, je l'ai, et là ça revient. Salut Fred. Eh bien ce matin, tout le monde est en forme. Ouais, Mehdi. Salut Jean-Marie. Ah, je vais faire un bon souvenir. Ah, j'ai du 90, du 2000. Les trucs pour bien se marrer. Ouais, on va commencer avec Regina Deb by Deb. C'était dans les années 99-2000. Ouais, les débuts du boombox. Pour ceux qu'on connaît, il y aura Sonia aussi. You'll never stop me now. Il y aura Samantha Fox, le remix. You'll never. Non, nothing gonna stop me, je sais plus quoi. Salut Johan, ça va? Tout le monde est en forme aujourd'hui? Allez, je vous fais une heure de mix. Et je vous rappelle qu'il y a le numéro ici. Pour ceux qui veulent appeler, le numéro vert, il est là. Il est sur votre écran en bas. Le 07 87 07. Après, je sais plus, je vois pas. Voilà, enfin le numéro il est inscrit ici là, vous voyez, tout le monde le voit, c'est bon. Voilà, le petit numéro, salut Polo. Ah, je suis enrhumé, hein, ne vous inquiétez pas. Salut Nati. Salut Sabi, ça va? Salut José. Là je vais faire un mix à l'ancienne, à l'époque du boombox, voilà. Ouais, pas mal de 2000, pas mal de 90, 80 un petit peu. Un peu de tout ce matin. Ouais, des bons souvenirs en tous les cas. Ah, Organize aussi. Ceux qui ont connu Boombox avec Organize, bah, ils seront là, voilà, dans mon émission, en live. Ah, bah, j'attache mon... Et on a tendance, ça va les Zinzin Family? Tous les Zinzins vont bien? Ouais, on a tendance à traîner en survêt, hein, quand on a la baraque. En plus, moi, je mets pas de survêt à la base. Juste pour aller au sport, bah là, j'en mets quand je traîne. Voilà, tout le monde va bien? Ça va les Zinzins? T'es ma boule à ta tête. Ah, je suis désolé, je suis enrhumé. Bon courage, je sais ce que c'est. Ah ouais, le rhume des foins, ouais. Ah, c'est galère, hein. T'as tous les ans, j'ai ça, moi. Salut, Émilie, ça va? Tous les ans, j'ai le rhume des foins, c'est la merde. Alors, ça, plus le corona, on est mal, hein. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Fred, il est déjà labinose, lui. Allez, on va mixer pendant une petite heure. Et puis je vous rappelle qu'il y a une ligne ici, le numéro est là, 07 87 07, je suis 81 01, je crois, je suis 82 01. Salut Antoine! Ah bah, Antoine est réveillé, ça y est. Ah, Antoine, enfin t'es levé, c'est bon? T'as bien dormi? T'es moins malade aujourd'hui? T'es en pleine forme, j'espère. Merci pour les photos des gamins Espoir 21. Allez, on y va dans une minute, on va démarrer le live en direct. Salut Ahmed! Salut Sev, ça va les zinzins? Tous les zinzins sont là. Salut Christiane, l'esthéticienne. Pense à toi, hier je regardais le truc sur les bronzés là, une émission, un reportage, et il y avait Christiane l'esthéticienne. Un peu enrhumé ce matin, putain de rhume des foins. On a tout en ce moment, hein. Toi aussi t'es allergique? Ah ouais, c'est la galère ça, ça commence là. Ça va que le médecin il m'avait filé des trucs là, l'autre jour. Lol Antoine, bah oui lol parce qu'il est déjà levé. Bon allez, on attend que tout le monde se connecte et puis on y va. Sonia qui est là aussi, salut Ahmed, salut Francky, ça va? Oui Ahmed, ça va bien, et toi comment tu vas mon ami? Anthony, je fais un peu de mix ce matin pour vous faire plaisir. Et demain je ferai peut-être de la radio, je sais pas, je vais voir. Un coup mix, un coup radio, c'est marrant hein, la radio aussi, on a plein d'invités, on a plein de choses. En tout cas ce matin on envoie du lourd. Allez c'est parti, tout le monde est prêt. On démarre tranquillement avec un bon son des années 2000, elle s'appelle Regina Deb by Deb. Et on aura avec Sonia juste derrière pour les souvenirs 2000. Allez, c'est parti. Jusqu'à midi. Ah, d'abord, il y a Didier qui nous appelle. Allô? Allô, allô. C'est le test. Là qui va là. Ouais. Salut, salut. C'est bon, la ligne marche bien, Didier? Pardon, je t'entends mal, ça résonne. Ah oui, il y a le micro, attends. Est-ce que la ligne marche bien, Didier? Bah écoute, pour moi, ça va, ça dépend si tes auditeurs m'entendent ou pas. Ouais, on t'entend, hein, bien sûr, on t'entend. Bon, bah écoute, c'est parfait, voilà. Voilà, bon, bien dormi. Oui, ça va, ouais. T'as pas le remis des foins, toi? Non, tu vois, ils sont en train de tomber la pelouse, là, donc ça va. Ah bah moi, je l'ai, hein, c'est la galère, hein. Tous les ans, j'ai ça, j'ai les yeux comme ça, le nez comme ça, ça coule de partout. Ah bah t'es allergique, hein. T'es allergique au foin? Ouais, au foin. Ah, c'est pas les foins, c'est le pollen, moi. Enfin, c'est pareil. Ah bah ouais, un petit peu le pollen, mais bon, ça va. Ouais, ça va, ouais, c'est chiant, hein. Ah, ça commence, là. Ça va, ouais. Et ça va, j'avais pas le coup, parce que j'étais chez le médecin il y a 15 jours, il m'avait filé un traitement, là, donc je commence à en prendre, là. Bah voilà, ouais. Voilà. C'est ce qu'il faut. Voilà, mon Didier. Bon, qu'est-ce que tu nous régales de beau aujourd'hui? Ah, je fais du mix, là, il y a du lourd. Attention, ça va mixer. Ah. Ouais. On va aller écouter ça, alors. Là, j'ai envie de mixer, là, je suis déchaîné, là. Ouais. Ouais, ça va. Bien, allez. Avec plaisir alors. Eh ben, vous pouvez toujours appeler sur la ligne pendant le mix, hein, je vous prends en direct. Allez, on n'oublie pas d'appeler Monsieur Francky. Voilà. C'est quoi déjà le numéro? Alors 07 87 07, après je sais plus, je vois pas sur l'écran. 81. Mais moi non plus, je le vois pas. Ah ouais, je le vois pas. 81 02, je crois, c'est ça, non? Ouais, 07 87 07 82 01. 82-01, voilà, 07-87, 07-82-01, c'est ça? C'est cela même. Voilà. 20 sur 20. Et ben voilà, vous m'appelez sur le numéro qui est sur la... Allez, la famille Zazin. Salut les Zazin Family. Allez, on y va. Salut. Allez, c'est parti. À tout de suite. À tout de suite. C'est parti pour vous. Salut Nordine qui est là. Tout le monde voit le numéro ou pas, là, en bas, là? Sinon, je vais décaler. Ah ouais, parce qu'on voit pas avec l'écran. Voilà. Non, on va peut-être mieux voir. Voilà, le numéro, il est en bas, là. 81. Excellent, ce que tu fais. Merci. Bah, on démarre, les amis, les zinzins. Allez, c'est parti jusqu'à midi. Bienvenue chez Zinzin Family. Deb by Deb, ça démarre avec Regina, un titre 2000. Eh, forcément, j'ai connu ça au Boombox à l'époque. C'était un des cartons du Boombox. C'est parti, les Zinzin Family. Allez, bon confinement à tous. On y va. I've made mistakes, so many mistakes, the same mistakes. The day will come, you can't escape, not even from yourself. Dead by dead. ça. We'll be right back. Mike. Salut Ness. Allez les anciens, on y va. Hey!

Thank you.

laisser prendre le micro. Ça va la famille des Zinzins? Ah, ça danse, hein, le remix de Gold. Salut Virginie, salut Karine, salut Gaël qui vient d'arriver. En direct avec les souvenirs du boombox à l'époque. Extravadance Energy, c'est Vincent Richard. Hey, oh putain, les souvenirs. J'adore. Quelle voix! Allez Marie-France! Ça va Marie-France, ça se passe bien? Salut Flora Amigo qui enregistre toute l'émission! Ah, quel souvenir! Salut Jabba! This element so deep inside of me, such a tender fantasy. You're the one I'm living for. Help me sing it, feeling you're my sunlight in my rain. In time to never change. What a shame. J'ai dit tout le monde à poil, il fait chaud. À poil Séverine, à poil Rose, à poil Gaël. Extravadance, organize. I never knew love like this before. Et quelle voix qu'ils avaient les mecs à l'époque quand même. Ils étaient venus au boombox, c'était énorme. Wilson, il est là? Il est là, Wilson, il est là. Boulot, boulot, Marie-France, courage à toi. Big up à tous les infirmiers, infirmières, les docteurs, les doctoresses, à tout le monde, les aides-soignants, soignantes, tout le corps médical confondu, tout le monde, ceux qui bossent, la famille. You love like this before. Ah, y'a Karine qui va bosser mercredi, bon courage Karine. Allez, faites du bruit de l'autre côté de la radio. Organize les bons souvenirs. Jamais un sans deux, c'est ce qu'on dit. Les femmes de nettoyage des hôpitaux, bah oui, on les salue aussi. Salut tout le monde. Organize. Yeah, baby. Barry White qui arrive pour Laurent. Putain, on a plein de souvenirs comme ça. Can you too, baby? Every time I think about the way we used to live, every time I think of you and the love you used to give, the way you smile, the way you kiss is in my head. Can't pick up the phone, cause I feel so alone. I want you to know, want you to know. Let me show you the way. Allô, qui va là? Halte là, qui voilà. Salut, Francky, c'est ouais, Didier. Je vais rappeler le numéro de téléphone. Appelez Francky au 07 87 07 82 01. Et je profite de l'antenne pour faire un petit big up aussi à tous les makers, les gens qui sont les impressions 3D fabriquent des visières de protection pour le personnel soignant. Ouais. Et tous qui en ont besoin. Et ben voilà. Je rappelle le site pour recentrer vos besoins, vos livraisons et votre ambition de faire du bien. Donc c'est covid3d.fr. Je répète, www.covid3d.fr. Merci, big up et bisous à tous. Ben voilà, c'est passé le message, mon Didier. Allez, can you à talk plus tard. So I bat you. Bonjour, c'est Vito le cœur. Ciao, ciao. Yeah. Can you, baby? Me every day, now baby, I know things won't change anyway. Can we, baby? Can I talk about the way we met, love every day? About the way you used to say when we were about the foreplay. Now I got a mess, big risk getting to my mind. You look so divine. Lord, I could have been so blind. Girl, I want you to know. Want you to know. Please don't let it go. Leave it. Show you the way. Baby. Every night, every day. Ever. My love and my soul. Ooh, yes, yeah. I need a soul. I need a soul. Can't you see? I just need you in me, baby. Can we talk about love before? Bah ouais, carré pour toi, Lolo. Laurent Billard, salut mon frère. Mon frère. And you know what I could say to bring you back in my way. Nothing really matters. Ah, j'adore. With me, everything's alright. Every time his face is in my mind. Every time we're by your side. Please stay by my side. Can we talk about the love we felt before? On est des zinzins. I need to talk about it, baby. You used to love me every day. You used to love me every day. I know things won't change anyway. Et voilà, on dirait Barry White. Salut les anciens là, salut la famille. Salut les zinzins. Yeah. 11h40. Allez, Paris. Ça c'est pour mon Lolo. Oh putain que c'est bon ça. C'est les meilleurs zinzins qui sont là. Oh putain quelle voix. Putain, c'était bon ça, hein. Sacré zinzin. Je mettrai la fessée, Marie-France, au 7, tu vas voir. Cul nu, hein. Salut Isabelle. Et moi aussi, vous me manquez, hein. Allez, tout le monde à poil. Marie-France aussi. What's killing me is inside. Oh, yeah. I just want to last a night away. Ah, c'est du lourd, ça. Yeah, right here, where I'm gonna stay. Oh, baby. All night long. Ooh, ooh, ooh. moving, quick and groove, keep the music strong. Oh, let it play on, let it on. Let it play on, let it on, let it on, let it on, let it on, let it on, let it on. L'époque de la Motown qui arrive, les Jackson. Hey BC, I want you back. Salut Séverine. J'ai dit à poil. La fessée à Marie-France, au 7 à l'ouverture promis en live. Allez les anciens. Oh yeah baby. Hey. Just until I feel this misery is gone. J'ai dit à poil. Oh my god! Oh my god! Il arrive le soleil. Et 21 degrés aujourd'hui, demain 24. Hein. Énorme. À tous les anciens du boom. Papa Chico sing that song of the people feeling their call. tout le monde en mode bronzage. Ça va les zinzins, à poil. Papa Chico, sing their song. All the people feeling their call. Rappel de ça, Jamalak en 2000. Il était venu au Boombox. Énorme à l'époque, hein. Yup, yup, yup. Bronzage. Chico, you're the sun. All the children don't want you to come. Papa Chico's playing this song. All the people turning around. Papa Chico, move your eyes. Your disco birds in the eyes. Papa Chico, sing that song. All the people feeling they come. Papa Chico, you're the sun. All the children don't want you to come. Allez, DSP pour tout le monde. Corona pour tout le monde. Allez. Ça va mes enfants? On a été coupé mais je reviens, je vais finir l'émission. On a été coupé mais je reviens. Allez, je vous refais le 10 minutes en plus pour la peine. Oh, ils reviennent tous. On a encore été coupé 10 minutes avant la fin. Ah là là là là là là. C'est pas grave, on revient, je suis là. That's the way I treat a girl, kind of boost. Because it's one man that you wouldn't meet. So let me show you around while you sip your TG. But no coca, loco, boom, while I take a plea. On a été coupé, mais mort, voilà. You say you're doing nice and all that. Je vais être Facebook. Then my lady, that's what you get when you shout that jumbo. Now I gotta go, yo, Coco. Put me up, put me down. Y aura du rab. Put me on the ground. Put me up. Allez, viens nous retrouver, on a été coupé, on revient. Ça me rappelle la radio. Ouais. Je suis revenu, on a découpé, mais je reviens, je vous file 10 minutes de rab. Allez, Virginie qui est là, Yael qui est là. Hey, so base, I'll watch you run. Allez, au boulot, Marie-France, bon courage et protège-toi, ma chérie, on t'aime. Reviens vite ce soir. I love you. Allez, je vous fais le durable, on était coupé, je vous fais le durable. Revenez nous voir. Salut Cap 45, on nous écoute à Cap 45. So if you are inside and the day is right, she's a hunter, you're the fire. A gentle voice that talks to you, won't talk. Rappelle de ça. Le support. À l'époque 96 je crois, t'avais quel âge en 96? T'avais quel âge en 96? Alors, t'avais quel âge en 96? Salut Sandra, salut Alex, salut Virginie. Allez, je vous file un peu de rap, on a été coupé, je vous file du rap. Salut Teddy, good morning le 7, Teddy Bourgoin, la Julien, ça va mon ami? Dis-moi le retour qu'on a eu une bonne bouffe chez toi. Hein. La Julien à Saint-Yves, vous allez voir, c'est énorme. Allez faire un tour, dès que c'est ouvert. C'est bien préparé, c'est pas de la merde, c'est de la vraie bouffe quoi. Gaël, 14 ans, ah ouais. Et moi, d'après vous, j'avais quel âge en 96? Pour ceux qui me connaissent, d'après vous. Alors, d'après vous, j'avais quel âge en 96, moi? Ça, c'est l'époque où j'étais au 7. 07. Baby, baby, baby, I'm a sign. bien joué, hein. Hein, Virginie. Hey, là on peut se mettre à poil. Il y a des bonnes réponses. Wouh, tout le monde à poil. Hey, à poil. Bien Gaël. Tu seras récompensé. Allez à poil. Culé de Facebook. Allez la famille. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Yeah, yeah, yeah, yeah. It's out in the pool. I wanna see you fresh enough. Oh, you drank all that and I know you want all the black sand sheets. Waves on the free, yeah. Get you, get you, yeah, yeah. Allez, je vous file du rab. Salut Séverine. Bien joué Aurélie. Il y a des bonnes réponses. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Yeah, he come through with the money in the guard bags. Let him know we bout that cake straight out the gate. Look into women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you. Keep playing these cats out like a car. Real high heel shoes, getting love. Allez, les bouteilles à gagner. Bad at chicks from the Moulin. Allez, je vous file du rab. You drink wine with diamonds in a glass by the case, the meaning of expensive taste. You wanna get you, come on, mocha chocolate. What? Your lady, my mujer. Woo, woo, woo, woo. Allez-vous coucher avec moi. Ça sent le striptease là devant, hein. Yeah, yeah, yeah. Oh, il est vieux le Francky, il est vieux. Allez. Salut Catherine. Où t'étais? Où t'étais? Invité par des potes à une de fer, on s'amusait bien, je n'ai pas vu l'heure qu'il était. Ah ouais, c'est vrai. Je te connais par cœur, j'aimerais savoir pourquoi tu agis comme un voleur. Tu te fais des films, je ne voulais pas te réveiller, c'est tout. Arrête avec tes questions, dis-moi plutôt à quoi tu joues. Je joue à la fille, on a marre de te voir en fait. Tout ça parce que tu préfères traîner avec les lascars. Il est tard, chérie, écoute le bouton, tu fais trop de bruit. Ce ne sont pas des lascars, ce sont mes amis. Ami, et pourquoi je m'appelle-t-il quand tu n'es pas là? Sans doute par respect et tes les bâtards. Tu ne le savais pas, tes potes ne se gênent pas pour me narrer, t'es avec toi. Aussitôt le chaud, hein. Téléphone, il me traque, ne fais pas l'innocent, tu as surpris le gars. Allez, je vous file un quart d'heure en rab. Comme on a été coupé, 15 minutes de souvenirs. Tu es la sublime, je te le dis sans faille, reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es la sublime, je te le dis sans faille, reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. C'est bon, tu peux prendre toutes tes affaires. Ah ouais, et tu crois que t'es attendu pour le faire? Toi et ta horde de serpents, je vous souhaite bien du bon temps. Tu partis à présent, ce sera l'heure, j'ai un printemps. Tu souviens encore, même pas l'once d'un. Ah, il cherche mon âge, hein. Ça cherche, hein. Allez, bye bye. Salut Momo, ça va, monsieur Gonzala? Ta mère. Salut Mohamed, tu vas bien? Donc, et ma fraquette, y'a pas. Toujours dans la musique? As-tu trouvé ta muselière? Allez, un quart d'heure ensemble, je vous file un quart d'heure, on a été coupé. Ouais, c'est vrai, c'est un enculé de Facebook. D'autant plus que ça m'était à dîner tous les soirs. J'ai jamais compris pourquoi tu affiches tant de mépris envers la famille, spécialement ceux qui t'apprécient. Elle m'apprécie, moi, mon porte-monnaie peut-être les deux qui sait. Arrête, s'il te plaît. Tu es le seul primaire, je te le dis sans faille. Tu es la seule primaire, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai pas et pas. Tu es le seul primaire, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai pas et pas. Tu es la seule image, je te le dis sans faille. Reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Hey. La vie sera

le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, le type sans les routes qui dévoilent. Tant pis. Allez, 10 minutes encore avec moi. Il y a un bon sophon qui arrive là. J'ai vu baler la bonne étoile, veillant sur moi, couloir plein de toi, le crash, tcha tcha tcha, le franc, compète des tapettes de vent, supporter de grandir sans enfance, c'est trop les secours. 10 minutes ensemble, mon encul dans ton cou, j'ai mis durable, à faire l'appel, mais avec du bon funk qui arrive. Pour le yaourt, c'est pas grave, je n'en veux à personne, et si mon heure sonne, je m'en irai comme je suis venu. Adolescent, incandescent, gigante, un tour de bras sur le fruit défendu, innocent. Les mois de type abattu dans la rue, c'est une enfance de la pourriture, ouais. Je ne drague pas, mais tirer des tartes petites avec les couettes. Pas de peur devant mon père, master. Porter le voile, je revois à l'école les gosses qui la croient sous poil, c'est rien Léa. Si on était moins scrupuleux, un peu de jeu du feu, on serait comme eux. Mais j'ai pleuré pour avoir un job comme un crevard sans bois. Mais je t'aime à mes parents seuls dans mon lit le soir. Chacun son bout et sans ambition, la vie c'est trop long. Écrire des poèmes, puis c'est violent dans un violon. Tu te fixes sur le wagon, c'est la locomotive que tu manques. C'est pas la couleur, c'est le compte en banque qui exprime mon avis. Même si tout le monde s'en fiche, je serais pas comme ça si j'avais vu la vie riche. La vie est belle, le destin s'en décale. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qui dévoilent. Tant pis, on est pané sous la même étoile. Ma vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile. Salut les pompiers qui dévoilent. Tant pis, on va à la caserne, alors la même... caserne noire d'Orléans. Allez, funky, on y va. Ça c'est pour les vrais. À l'ancienne. Hey Abdel. Wouhou. Après on va les manger. Yo, c'est Allez, les anciens là. Wow. Moonlight gladness in Love Town, baby. Out in the dark, under the stars, there's a brand new horizon. City full of lights, yes it glows in the night, and it's full of... Salut les pompiers d'or! Big up la famille! Ça c'est du vrai son ça! Pousse, pousse! Tussy land that will shake up your mind. We are ladies selling rooms for romance on a 12 o'clock. Everybody, bring your body to the town, baby. Midnight madness, a moonlight gladness in the town. In the streets, no one ever sleeps, cause their body... Salut à tous les pompiers nord. Salut à Séverine qui fait du sport. Salut à Mirico Alves. Écoute le mix, il arrive. You got me going higher and higher. Fred, il me dit trop bon devant la glace. Hey Fred, comme au Georges à l'époque. Donne tout Fred. You at your dream. Salut l'ancien patron du Georges, Jean-Luc Morin, que j'ai au téléphone hier. Salut Jean-Luc. Everybody, bring your body to the town. I'm in that madness, moonlight gladness, in the town, baby. Ah, y'a l'ancien patron du Georges qui est là. Jean-Luc Morin, la famille. Et aussi le propriétaire au 7. Salut Jean-Luc, salut Michael. Everybody's busy. Can't wait for the night to begin. Allez, 5 minutes de rap, salut les pompiers d'or. You work all week long. Allez, je vous fais la peau de rable. Make love into the Dans 5 minutes, on va aller manger. Marvin Gaye pour finir, il arrive juste derrière. Puis demain, 11h, je suis là. Non-stop mix demain. Moitié radio, moitié DJ. Salut les pompiers nord, salut les infirmiers, infirmières, salut les dogs, salut les femmes de ménage, salut tous ceux qui bossent, les routiers, ceux qui bossent dans les EHPAD, je pense à tout le monde aujourd'hui. J'en oublie certainement dans les magasins, dans les pharmacies, partout, partout, les chauffeurs-livreurs. Voilà, je pense à vous la famille, et nous on est chez nous, on bouge pas. On adore que cette merde soit finie, et après on fait la fête ensemble. Cause you don't have driving, babe. You may never see. I've got the mightiest touch. Salut mes zinzins. Miam miam. Yato. Bon, on a plus d'heures pour manger maintenant. Merci à toutes les zinzins qui sont là aujourd'hui. Merci vraiment du fond du cœur. On se quitte là-dessus. Ça j'adore, c'est Marvin Gaye. Salut Seb, salut Virginie. À demain 11h. Allez écoutez, un peu de souvenirs. Après je vous prends pour un petit mot derrière. Midi, là j'ai mis du rap parce qu'on était coupé. Je vous dis un petit mot juste derrière. ça veut dire rester chez vous. Hein. Voilà, plus on reste chez soi, plus on sera guéri. Plus le virus il se barre. Normalement. Il va faire beau, mettez-vous au balcon. Moi je vais bronzer par la fenêtre, hein. Sérieux, hein, je me mets par la fenêtre, il y a le soleil jusqu'à 14h15. Et ben je bronze par la fenêtre moi. Je vais m'allonger dans le canapé par la fenêtre. Un dingue. Salut les zinzins. La bise de toute l'équipe des pompiers. Voilà. Orléans en or. Salut les pomplards. Allez, je vous fais un coucou. Bon, les zinzins. Salut les zinzins. Bon, merci de me suivre tous les jours depuis le début du confinement. J'étais un des premiers à le faire. Je suis fier de vous. Vraiment. Salut Orléans en or, salut les pompiers, portez-vous bien, restez bien de permanence au cas où ça part. Salut Jolly, restez chez vous, c'est ce qu'il dit. Salut Bubu, salut Christelle, bye bye, à demain. Ouais, Séverine, salut Julie, j'en oublie plein, Julie, salut. Salut toi aussi, salut Aurélie, salut Sabi, salut Nicolas, salut Nati, salut Lulu, salut Didier, salut Sébastien, salut Virginie, il y en a plein, vous êtes tellement nombreux le matin, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. N'oubliez pas le rencard de tous les matins, mi-radio, mi-DJ, je me transforme, voilà, c'est comme ça. Merci, je vous embrasse très fort sur la bouche, partout où vous voulez, de loin, hein, bien sûr, bien après, en réalité. Voilà, ciao la famille, merci à vous, je vous aime.